si la mer devient cimetière, pour les algues et pour les poissons, et si les moissons de la terre meurent dans les sillons, dites-moi. Vivre ou mourir en homme demain. Si les maisons de mille étages grattent le ciel cachant le soleil, jette sur la ville un nuage d'hiver. Et donne à tous les enfants à venir.